Chapitre 5e. Fatigue. Paul, la carte à la main, part en avant d'un bon pas. En la consultant avec Xavier qui connaît bien les lieux, il a calculé qu'il nous reste environ 35 kilomètres avant d'atteindre la Loire. Il était un peu plus de minuit. Il nous reste donc 24 heures pour les faire, ce qui nous paraît suffisant. Mais Paul craint qu'avec l'empreinte de la Jeep et le rapport des gendarmes qui a dû finir par aboutir, le plastron mobilise toutes ses forces pour nous coincer. Notre passage à Chavigny étant connu, nous avons intérêt à nous en éloigner le plus rapidement possible. Paul voudrait que nous fassions 25 kilomètres avant le lever du jour. De nuit, nous passons bien plus inaperçus, et le plastron, qui en est comme nous à sa deuxième nuit de veille, n'est sûrement plus aussi vigilant. En théorie, tout va bien. Les 25 kilomètres, à raison de 5 kilomètres par heure, seront couverts en 5 heures. Comme nous commençons à marcher vers minuit, nous serons rendus à 5 heures du matin, juste au lever du jour. Nous pourrons alors nous cacher dans un coin et prendre un temps de repos bien mérité. Dans la réalité, les choses sont moins évidentes. Question fatigue, nous arrivons au bout du rouleau. Nous n'avons pratiquement pas dormi la nuit dernière, et il n'est pas prévu de dormir cette nuit non plus. Si on ajoute à l'activité physique les fortes émotions des dernières 24 heures, cela fait beaucoup. Question nourriture, nous avons eu la chance de pouvoir manger à peu près régulièrement. C'est au niveau des pieds et des jambes que se pose notre principal problème. Paul mis à part, nos pauvres pieds ont souffert de la marche en tongs de ce soir. Grâce à Xavier, nous avons heureusement pu remplacer les tongs par des chaussures, mais ce ne sont pas les nôtres. La pointure est approximative et elles ne sont pas faites à nos pieds. Nous regrettons nos Rangers laissés dans la Jeep. Mais il ne sert à rien de regretter. La première heure de marche se passe assez bien. Un croissant de lune nous accompagne et nous éclaire juste ce qu'il faut pour distinguer le chemin. Le moral regonflé à bloc par l'accueil et la générosité des scouts, nous marchons d'un bon pas, tous bien décidés à faire ce bond de 25 kilomètres dans la nuit. Nous rêvons au repos qui nous attend au lever du jour dans un coin tranquille. Il ne nous restera plus alors que 10 kilomètres à faire avant de franchir la Loire, presque rien. Seulement voilà, nous montons un chemin bien raide depuis un moment en essayant de ne pas penser à nos pieds quand Paul s'arrête et déclare « Non, ce n'est pas possible. Ce chemin devrait monter un peu, mais pas à ce point. On a dû se tromper au dernier croisement. » Le dernier croisement, il y a un moment qu'on l'a passé. Anne ne dit rien, mais se laisse tomber dans l'herbe du talus. Sylvie ne tarde pas à la rejoindre. Si en plus on se paume et qu'on tourne en rond, en 5 heures, on ne va pas faire beaucoup de kilomètres. « Désolé, » reprend Paul. « Sur la carte, il y a un chemin qui prend sur la droite à flanc de colline. Mais je n'ai pas vu. Si on continue, on va se retrouver sur la crête, et il faudra redescendre. Vous vous rappelez la fourche au dernier croisement? Je crois qu'il aurait fallu prendre à droite. » « Tu n'es pas en train de nous dire qu'on va faire demi-tour. Tu préfères couper à travers bois? Pourquoi pas? Parce qu'on va se perdre dans ces taillis. On n'aura plus aucun point de repère, » s'énerve Paul. « Si on croise un chemin, on ne pourra pas savoir si c'est le bon et on risque même de se retrouver coincé dans des ronciers. Alors ?» « Alors c'est un peu dur à avaler, mais il vaut mieux faire demi-tour et repartir sur le bon chemin. » Nous repartons donc sur nos pas en descente. Le moral vient de chuter d'un coup. Nous n'y croyons plus. Nous allons en baver toute la nuit, mais au matin nous n'aurons parcouru que quelques kilomètres. Quelques minutes plus tard, Anne glisse sur une pierre et tombe sur les fesses. « Moi, c'est fini. Je reste là. Continuez sans moi, si vous voulez, » nous annonce-t-elle. Il est d'autant plus difficile de la raisonner que nous sommes bien d'accord avec elle, hormis Paul, peut-être. Mais Paul ne sait pas esquinter les pieds à marcher 6 kilomètres en tongs. Avec Sylvie, nous nous plaçons à ses côtés en la prenant par les épaules. Nous la relevons de force. « Anne, c'est idiot. » Nous n'allons pas nous séparer. Et nous n'allons pas nous coucher là dans le chemin ou dans les ronces sur le côté. Il faut avancer encore un peu. On s'arrêtera pour dormir dans un coin sympa, un peu plus confortable. Anne ne répond rien. Je lui prends la main et nous reprenons notre descente. Personne ne dit plus rien. Nous sommes tous à la limite du découragement. Et comme le découragement c'est contagieux, nous sentons qu'il vaut mieux rester silencieux. 10 minutes plus tard, Sylvie s'exclame. « Regarde, Paul, ce n'est pas là ton chemin ?» Effectivement, il y a là un sentier qui part sur notre droite, mais nous ne l'avons pas vu à l'aller car un arbre énorme tient l'intersection dans l'obscurité. Tu as raison, ça doit être ça. Cela veut dire que nous ne nous sommes pas trompés au carrefour précédent et que nous n'aurons pas à retourner jusque-là. Un moment plus tard, nous nous retrouvons à découvert, à flanc de coteau, et Paul confirme que nous sommes bien sur le bon chemin. Je traîne toujours Anne par la main. Je sens bien que Sylvie a elle aussi bien du mal à avancer la jambe à chaque pas. Souvent, son pied bute, et elle se récupère comme elle peut. Le chemin s'élargissant, elle finit par poser la main sur l'épaule de Paul et, se laissant remorquer, ne le lâche plus. J'ai l'impression qu'elle dort en marchant. Personnellement, j'ai très mal aux pieds. Mais le pire, c'est l'impression que les muscles de mes jambes ne m'obéissent plus. À chaque pas, ils me font un effort de volonté pour leur donner l'ordre d'avancer. Nous franchissons une route goudronnée et Paul s'arrête quelques minutes pour vérifier l'itinéraire sur la carte. Il sait bien qu'il n'a plus le droit à l'erreur et il prend toutes ses précautions. Anne s'effondre sur le bas-côté. Sylvie la rejoint. Je me force à rester debout avec Paul, car si je m'assois, je ne me relèverai pas. Paul donne le signal du départ et aide Sylvie à se relever. J'essaie de relever Anne, mais elle refuse et se fait toute molle. Nous ne pouvons pas la tirer par les bras sur le chemin. Je cherche toutes sortes d'arguments pour l'encourager. Rien n'y fait. Je m'adresse à Paul et Sylvie qui ont déjà avancé d'une dizaine de mètres. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite pause? Le temps de se reprendre un peu et dans une heure on repart frais et dispo. Non, Christophe, on ne peut pas s'arrêter là au milieu de ces prés. On est bien trop repérable, il faut avancer. Mais Anne n'en peut plus. Sylvie aussi n'en peut plus, mais elle ne se laisse pas aller. À ce moment, Sylvie se rassoit. Si vous voulez discuter, autant s'asseoir. Eh merde ! S'écrie Paul. Vous ne comprenez pas que c'est débile de s'arrêter ici ? Si on ne s'arrête qu'une heure ou deux, propose Sylvie. Tu t'y mets, toi aussi ? Mais nous n'avons pas de montre, il n'y aura personne pour venir nous réveiller dans 2 heures. C'est le soleil qui nous réveillera demain matin, et alors nous serons visibles comme des mouches sur un mur blanc. Je regarde Anne, elle a l'air complètement absente, comme si elle s'était endormie les yeux grands ouverts. Sylvie est couchée dans l'herbe un peu plus loin, peut-être dort-elle déjà. Je cherche une solution, mais je n'ai qu'une envie, m'allonger à mon tour dans l'herbe et fermer les yeux. Bon, Paul, qu'est-ce qu'on fait ? Paul explose. Vous commencez à m'emmerder tous. Le commandant avait raison. Les minettes, c'est sympa pour sortir, mais sur le terrain, c'est chiant. Et il s'assoit. Je suis un peu surpris de ses propos. La fatigue lui a sans doute fait dire des mots qui dépassent sa pensée. Nos deux filles sont loin d'être des boulets, quand je pense à toutes leurs initiatives. Bon, je m'égare. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Il faut absolument réagir. Alors je me lance. Allez, Paul, Sylvie, Anne, debout. On marche encore un peu jusqu'à ce qu'on trouve un coin tranquille pour dormir. Pour les kilomètres, on verra demain. Je tire brutalement le bras d'Anne qui se lève comme un automate. Je lui tiens la main et la remorque sur le chemin. Elle se laisse faire, tout va bien. Allez, Paul, Sylvie, debout. On a un lit qui nous attend dans 2-3 virages. Il nous laisse prendre un peu d'avance et trouve une étincelle de courage pour se lever et nous suivre. Je n'en reviens pas d'avoir trouvé l'énergie de remettre tout le monde en route. Heureusement, le chemin est maintenant presque plat. Nous nous traînons comme nous le pouvons pendant 1/2 heure encore. Enfin, nous quittons ces immenses prés sans arbres ni maisons et nous nous enfilons dans un petit chemin creux bordé de haies. Personne ne dit mot. Chacun souffre en silence et se concentre pour faire chaque fois un pas de plus. Enfin, l'endroit tant attendu se présente. Il s'agit d'une longue cabane qui peut faire 50 mètres de long sur 10 de large, couverte de tôle sur une charpente de bois sans parois. Elle doit servir d'abri au bétail. Nous la longeons d'abord par l'arrière. À sa suite se trouve la barrière d'accès du pré. Aucune bête n'est visible. Nous entrons. Nous longeons la cabane, côté pré cette fois. L'intérieur n'est pas bien propre. Mélange de boue et de fumier, mais tout au bout nous attend une bonne surprise. Une sorte de cage délimitée par des barres de bois paraît nettement plus propre. Était-ce la réserve de paille, un enclos pour les veaux ou une bête malade ? L'endroit nous paraît merveilleux. Le sol est recouvert d'une bonne couche de paille propre. Il ne nous en faut pas plus. Je m'écroule dans un coin. Paul et Sylvie font de même. Je m'allonge sur le dos, suprême délice. Anne, qui satisfaisait un besoin naturel, s'approche et sans dire un mot se couche contre moi, la tête sur ma poitrine. Elle s'endort instantanément. Je mets ma main sur son épaule et m'endors à mon tour. C'est la douce caresse du soleil apparaissant à travers les arbres qui m'éveille doucement en glissant sur mon visage. J'ai un instant d'égarement, puis tout me revient, le raid d'évasion, cette horrible marche de nuit, Anne. J'ouvre un œil. Anne est toujours là, contre moi. Elle respire paisiblement, la tête toujours sur ma poitrine. Je bouge un peu, me redresse lentement et tente d'apercevoir nos deux autres compagnons. Du coup, Anne se réveille. Elle met aussi quelques secondes à réaliser où elle est. Elle tourne la tête, me regarde et me sourit. Je n'oublierai jamais ce sourire. Dans ma mémoire, le portrait d'Anne pendant ce raid d'évasion, ce sera ce sourire. Paul et Sylvie dorment aussi côte à côte, mais sur le côté. Le ventre de Sylvie contre le dos de Paul, c'est touchant. Une fois bien éveillés, nous commençons par la toilette. Un coup d'eau froide sur la figure, prise dans l'abreuvoir des bêtes pour finir de nous réveiller. Anne, qui est la seule à avoir des cheveux un peu longs, tente de les démêler comme elle peut. Ensuite, nous prenons notre petit déjeuner. Un quart du pain donné par les scouts avec quelques gorgées d'eau de la gourde. Et nous sommes prêts à partir, frais et dispo. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Nos pieds nous font mal, plus mal que la veille, et nos jambes sont courbaturées. Il nous faut un bon kilomètre d'effort pour nous échauffer et nous remettre en train. Seulement, il va nous falloir redoubler de précautions. Paul n'avait pas tout à fait tort lorsqu'il voulait nous faire 25 kilomètres dans la nuit. Maintenant, nous sommes beaucoup plus vulnérables et le plastron, qui a sans doute bien dormi, doit reprendre sérieusement ses recherches. Dans les chemins en sous-bois, nous nous sentons en sécurité, mais nous prenons le temps de nous arrêter, d'écouter et d'observer à chaque fois que nous devons passer à découvert. Nous arrivons ainsi dans le bas d'un vallon. Nous allons devoir remonter jusqu'à la crête. Ce vallon forme un vaste ensemble de prés avec très peu d'arbres où nous serons à découvert. À mi-pente, une ferme, et juste derrière la ferme, une petite route à peu près plate qui coupe le vallon en deux parties. Une première partie en dessous de la route et une seconde partie de la ferme jusqu'à la crête. Aucune bête n'est visible. Si nous voulons éviter de passer à découvert, nous allons devoir faire un énorme détour par les bois. Les détours n'enchantent plus personne et nous décidons de foncer tout droit. Nous traversons plusieurs prés et franchissons plusieurs clôtures de barbelés. La pente reste douce et le soleil matinal est encore très agréable. Nous voudrions éviter la ferme, mais un chemin tracé par les vaches y conduit tout droit et comme elle paraît déserte, nous tentons la visite.